Donne ta voix, crache du silence. Pour que plus jamais tu ne recommences. Les mots restent, ils sont choisis. Tiens, saigne de leur mépris. Qu'est-ce que ces âmes faisaient là? Tranchées dans du moribond. Charge donc ta peur.